Très belle suite d'après-midi sur la première. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. Les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. Cette semaine, genre et latéralité. Dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite, il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Les minorités montent au créneau. Si le monde est véritablement gaucher à l'heure actuelle parce que nous sommes dans un drame, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Je veux dire dans son principe, n'est-ce pas déjà? C'est le mot « small » en hébreu. Et le mot « small », si on le décompose, c'est vraiment le nom de Dieu. Shem et El qui est le nom de Dieu. En même temps, c'est le mot qui contient le « Sheol ». Qu'est-ce que c'est que le « Sheol » Ce sont les enfers. C'est en effet la partie que nous ne connaissons pas de la vie et que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. On a trop vu les enfers dans une sorte d'optique d'image d'Épinal. Et ça serait beaucoup plus juste maintenant de prendre conscience de ce que sont les enfers. Les enfers sont à l'intérieur de nous. Ce sont nos lieux inférieurs. Et ces lieux inférieurs sont tout à fait inconnus. Ce sont tous notre jungle intérieure, nos animaux intérieurs, les démons intérieurs. Prenez tout ce panthéon, n'est-ce pas, qui est tout à fait redoutable. C'est vrai que tout cela nous habite. Quand nous ne le savons pas, il joue à notre insu. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Et si le monde est véritablement gauchis à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un drame à l'heure actuelle, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Voilà l'essentiel de la gauche et de la droite. Lumière d'un côté, ténèbres de l'autre, ténèbres dont le noyau est le nom divin, et ces ténèbres sont une future lumière. Pierre-Michel Bertrand, nous sommes avec vous toute la semaine pour évoquer une histoire des gauchers qui a été l'objet d'un livre paru chez Imago, livre sous-titré, on va comprendre pourquoi, des gens à l'envers. On évoquait hier la source de l'intérêt que vous avez eu pour ce sujet, déjà parce que vous êtes vous-même directement concerné, mais vous avez dit oui, mais c'est pas seulement, il y a des droitiers qui s'intéressent aux gauchers, mais c'était surtout pour l'historien et historien de l'art que vous êtes, un sujet extrêmement vaste, totalement en friche, donc un aventurier tel que vous ne pouvait que avoir le goût de s'y aventurer, c'est ce que vous avez fait, vous y avez travaillé une bonne quinzaine d'années, voici déjà quelques temps, mais la mémoire aidant, plus quelques notes, nous allons pouvoir aborder un certain nombre de sujets. Et évidemment, le tout premier d'entre eux, c'est la représentation générale. Qu'est-ce qui fait que la droite est du côté, pendant très longtemps, peut-être encore maintenant d'ailleurs, du bien, du pur, du vrai, tandis que la gauche, eh bien, elle est exactement à l'inverse, du côté longtemps et peut-être encore aujourd'hui, du mal, de l'impur, de l'erreur. Alors oui, en effet, ça c'est le dogme, hein, le paradigme de base, c'est la gauche contre la droite. Écoutez, là, je pense qu'il n'y a pas à chercher très loin, en fait. Ça recoupe ce qu'on a dit lors de la dernière émission. C'est-à-dire que il se trouve que naturellement, congénitalement, génétiquement, l'homme, enfin l'espèce humaine, est droitière dans l'immense majorité. Et cette majorité, elle a l'habitude, elle l'a fait dans d'autres domaines, sexuels notamment, hein, elle considère que ce qui est la norme doit être bon et nécessaire, et donc veut l'imposer à ceux qui ne sont pas dans la norme. Donc au départ, voilà, l'homme se trouve naturellement enclin vers la droite, et donc il va cristalliser sur cette droite, sur cette main droite en particulier, toutes les valeurs, toutes les vertus, toutes les lois, enfin tout ce qui est digne, et à contrario, la gauche va elle balayer toutes les infamies, toutes les salissures qui traînent sur la table et sur l'autel. C'est aussi simple que ça. Et en effet, si on peut parler de la Bible, puisque c'est bien connu, là, la Bible est un petit peu la matrice de notre outillage mental, hein, la Bible est traversée de petites annotations, ce ne sont pas des grands discours, ce ne sont pas des grandes théories, mais de nombreuses annotations qui prouvent qu'en effet, préalablement, originellement, il y a une discrimination qui s'impose entre la gauche et la droite, et vous savez très bien, ça c'est le grand thème, mais on peut le rappeler, parce qu'il est, il est tout à fait fondamental d'ailleurs, hein, il est prévu au jugement dernier, à la fin des temps, que le Christ revienne et sépare en effet, et ça, on a beaucoup glosé là-dessus, les théologiens ont beaucoup interprété ce passage de la Bible, de l'évangile de Matthieu. Donc le Christ revient et sépare les bons des méchants, enfin à vrai dire les brebis des boucs, hein, ce sont les termes de la Bible. Il les mettra les bons donc à droite, à sa main droite, et eux accéderont au paradis, les autres il les mettra à sa gauche, à sa main gauche, et eux iront directement en enfer. Les lecteurs de la Bible, les croyants, les théologiens, les pères de l'Église au premier chef, je pensais notamment à saint Augustin, en ont conclu qu'il y avait en fait deux catégories ici-bas. Il y avait les hommes de la droite, enfin les hommes et les femmes de la droite, et les hommes et les femmes de la gauche. Voilà, il fallait choisir son camp, il fallait choisir la droite ou la gauche. Ça s'est fait comme ça. La Bible légitime sacralise en quelque sorte une réalité préexistante, c'est-à-dire une prédisposition pour la droiterie, mais une prédisposition anatomique, biologique, hein, tout simplement. Mais c'en est devenu un dogme moral, spirituel. La main droite figure les premiers mouvements de la volonté et de la sensibilité qui tendent à nous faire réaliser en acte ce que nous avons conçu en pensée. Prenons donc garde que la meilleure partie de nous-mêmes ne se laisse aller rapidement au vice. En effet, si notre main droite vient à buter, combien en sera-t-il plus pour notre gauche? Si l'âme se laisse aller, combien davantage le corps plus enclin au péché. Histoire vivante, les gauchers. Pierre-Michel Bertrand, en travaillant sur le sujet, avez-vous eu l'occasion de vous interroger sur le fait qu'il y ait cristallisation sur la main? Parce qu'après tout, des pieds, nous en avons deux, la plupart du temps, des yeux également, des oreilles également. La symétrie n'est qu'apparente, un œil est souvent plus grand que l'autre, une oreille est plus développée que l'autre, les pieds également, et on le sait quand on va s'acheter une paire de chaussures qu'on a un pied plus fort et un pied qui l'est par opposition moins. Là, il y a néanmoins sur cette question du bien et du mal, puisque c'est le titre de l'épisode, par-delà le bien et le mal, quelque chose qui se focalise, qui se cristallise sur la main. Pourquoi, selon vous ? Oh bah, la main a une symbolique tout à fait particulière. Hein. La main, c'est l'esprit, c'est l'homme tout entier. Hein. Celle qui fait le signe de croix, c'est la main qui caresse. L'homme, d'ailleurs, se distingue d'entre toutes les races animales sur Terre, se distingue non pas par le rire, comme on le dit, parce que moi j'ai un chien qui rit, mais par l'usage de la main. C'est à peu près le seul à pouvoir faire toutes ces choses et voilà, à faire des outils, à avoir... Le fameux pouce préhenseur. Voilà. Et Dieu avec un D minuscule, Dieu sait combien tout cela a été important justement dans le processus d'hominisation des grands singes il y a de ça quelques millions d'années. C'est la main effectivement caractérise l'humanité. Comme vous le disiez, il y a une dissymétrie plutôt entre les pieds, on le sait bien, entre les yeux, on le sait même qu'il y a une dissymétrie entre les oreilles. Et moi, par exemple, là, je suis en train de vous écouter, j'ai mis mon téléphone comme de juste à mon oreille gauche, à mon oreille droite. Non seulement je ne vous entendrai pas bien, mais j'ai l'impression de pas bien vous comprendre. C'est très curieux, mais je suppose que votre téléphone aussi, vous le mettez toujours à la même oreille et de manière incidente à l'autre. Mais sinon, on a une oreille qui est une oreille qui entend mieux, clairement, qui distingue mieux en tout cas. Et donc il y a une dissymétrie en effet au niveau de tous les organes, même des narines, hein, ça a été montré par les scientifiques qui des fois se demandent s'ils n'ont pas mieux à faire, mais enfin moi, c'est une autre histoire. Mais la dissymétrie n'est jamais autant marquée qu'avec la main. C'est-à-dire que je peux très bien regarder en clignant l'œil, bon je suis gaucher de l'œil, mais je pourrais très bien moi voir le monde avec mon œil droit, hein, si je cligne de l'œil, écrire, manger, dessiner, ou même l'utilisation du moindre petit outil ou tournevis avec ma main droite, ce n'est pas possible. Je suis là clairement handicapé. Donc il est normal que, si vous voulez, la main elle soit investie de beaucoup plus fortement de cette symbolique que les autres organes qui marchent par paire dans notre corps. Et encore une fois, c'est vraiment une spécificité humaine. C'est quelque chose que j'ai étudié avec mes propres animaux. J'ai un chien gaucher aussi, je le précise. Vous voyez, j'ai un chien qui rit, j'ai un chien gaucher. Mais en fait, gaucher, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand je lui dis donne la patte, il donne systématiquement la patte gauche. J'ai jamais vu de donner la patte droite. Alors, est-ce que ça fait de lui un gaucher? J'ai quelques doutes. Mais ce que je sais, c'est que lui, ses repères principaux... Il ne connaît pas sa droite de sa gauche, a priori. Lui, c'est devant, derrière. On avance, et puis il y a derrière où on fuit quelque chose. Les côtés n'ont pas la même, comment dire, le même poids cognitif symbolique qu'il peut avoir pour nous. Les humains sont vraiment des êtres latéralisés et on est les seuls à l'être à ce point. Je précise que les animaux, et ça s'est démontré, sont latéralisés. Il y a des animaux plutôt gauchers, plutôt droitiers, mais en général, voilà, ça se répartit si bien. On note pas une espèce animale particulièrement latéralisée à droite ou latéralisée à gauche. Ça ne se joue pas comme ça, tout simplement parce que ce sont des repères non signifiants pour les animaux, la droite et la gauche. Il semble que les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. On a fait des expériences, mais il y a les animaux, les chimpanzés ou les singes, les orang-outans, peuvent utiliser leur main gauche plus habile ou leur main droite plus habile, mais en gros, ou les deux, en moyenne, 50% des singes sont droitiers, 50% gauchers. Il y a deux manières d'utiliser les mains, mais... on ne sait pas pourquoi il y a autant de gauchers ou si peu. C'est-à-dire, on s'attendrait à ce qu'il y ait 50% de droitiers et 50% de gauchers, ou alors qu'il y ait très très peu de gauchers, que ce soit vraiment des exceptions anormales, comme les hommes qui, alors à l'intérieur du corps, sont, on pourrait dire, droitiers. Il y a des hommes, par exemple, qui ont le cœur à droite au lieu d'avoir le cœur à gauche. Histoire vivante, cette semaine, les minorités montent au créneau. Pierre-Michel Bertrand, avec votre ouvrage « Histoire des gauchers », vous nous invitez à partir dans la longue durée. Et comme vous le disiez il y a peu, la référence à la Bible tombe sous le sens. Qu'en est-il, par exemple, c'est grâce à vous que je l'ai découvert, du fondateur de la 12e tribu d'Israël, Benjamin, fils de Jacob et de Rachel? Que vient-il faire dans cette histoire-là, lui? Oui, c'est le 13e, le dernier enfant de Jacob, patriarche biblique. Et les histoires de naissance et d'accouchement sont toujours très compliquées dans la Bible, je ne sais pas trop pourquoi. Mais toujours est-il que donc Rachel, la femme de Jacob, il a eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Mais donc Rachel a eu en effet beaucoup de mal à accoucher, elle a failli en mourir, et donc elle a voulu appeler son fils Ben Honi, ça veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob, lui, avait vraiment des grandes ambitions pour ce dernier-né, hein, et il l'a appelé Ben Yamin, ce qui veut dire fils de la droite. Voilà, c'est-à-dire qu'il lui conférait une dignité supérieure à tous les autres, donc fils de la droite. Et en effet, Ben Yamin sera le fondateur du royaume de Juda sans S, hein, bien sûr, et qui donnera la lignée de David, de Jésus-Christ, enfin une personne tout à fait éminente. Mais voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs le prénom Benjamin aujourd'hui en fait est simplement la francisation, si je puis dire, de Ben Yamin. Et le Benjamin, le petit dernier aussi de la famille, est à tort ou à raison un petit peu considéré comme le chouchou. Et ça vient de là, puisque Benjamin était le dernier fils de Jacob et le fils de la droite, fils de la main droite, pour être exact. Pierre-Michel Bertrand, on évoquait la gauche comme symbole du mal, de l'impur et de l'erreur. C'est également, dans la Bible en tout cas, le côté de la ruse. On en a sans doute quelques exemples. Est-ce que vous en auriez un peut-être à nous proposer qui nous permettrait peut-être, au travers de ce facteur de la ruse, d'accentuer un petit peu plus, plutôt que cette ligne de partage bien et mal, comment des zones intermédiaires, la ruse n'appartient pas forcément au camp du bien, pas forcément au camp du mal, mais en tout cas, la ruse semble échapper à la droiture. La ruse, c'est un arrangement avec le terrain. La ruse, c'est ne pas respecter forcément les règles. Et la ruse, apparemment, en tout cas dans la représentation, elle est plutôt du côté gauche que du côté droit. Oui, alors vous faites référence, Jean Leclerc, certainement au personnage d'Éhoud, qui est un personnage qu'on trouve dans le livre des juges, dans la Bible, qui est un guerrier justement benjaminite, vous voyez, de la tribu de Benjamin, la tribu donc de la main droite, mais en fait qui va utiliser la ruse pour se débarrasser d'un roi qui s'appelle Églon. Et ce passage de la Bible est tout à fait étonnant. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui des présents à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit faire une dague à deux tranchants, qui avait une garde de la longueur de la paume de la main, et il la mit sous sa casaque à son côté droit. Et il offrit ses présents à Églon, roi de Moab. Or Églon était extrêmement gros, et Éhoud, lui ayant offert ses présents, s'en retourna avec ses compagnons qui étaient venus avec lui. Puis, étant retourné de Galgala, où étaient les idoles, il dit au roi : J'ai un mot à vous dire en secret, ô prince. Le roi ayant fait signe qu'on se tût, et tous ceux qui étaient auprès de sa personne étant sortis, Éhoud s'approcha du roi qui était seul, assis dans sa chambre d'été, et il lui dit : J'ai à vous dire une parole de la part de Dieu. Aussitôt le roi se leva de son trône. Et Éhoud, ayant porté la main gauche à la dague qu'il avait à son côté droit, la tira et la lui enfonça si avant dans le ventre que la poignée y entra tout entière avec le fer et se trouva serrée par la grande quantité de graisse qui se rejoignit par-dessus. Éhoud ne retira donc point sa dague. Mais après avoir donné le coup, il la laissa dans le corps. Et aussitôt, les excréments qui étaient dans le ventre s'écoulèrent par les conduits naturels. mais Ehud ayant fermé à clé avec grand soin les portes de la chambre, sortit par la porte de derrière. Pierre-Michel Bertrand, historien. C'est vrai que cette association de l'utilisation sournoise de la main gauche et de la ruse un petit peu déloyale, puisque Ehud dit qu'il vient pour parler de la part de Dieu, et donc le roi ne se méfie pas, et puis donc il y a ce meurtre un petit peu pervers et répugnant. La main gauche et la gaucherie de manière générale a quelque chose d'assez assez odieux, quoi. C'est quelque chose que dont seule la main gauche était capable. La main droite fait de la loyauté, de la dignité, de la force, et non certainement pas la main de la ruse. On ne tue pas par ruse avec sa main droite. Donc Pierre-Michel Bertrand, si l'on vous entend bien, on a la sensation que la Bible donne le là, mais on sait également les porosités importantes entre l'Ancien Testament et les cultes qui précèdent, notamment les cultes païens. Est-ce que c'est la Bible qui, selon vous, révolutionne et fixe le gaucher et tout ce qui peut venir de la gauche dans ce camp du mal, de l'impur, de l'erreur, où on a affaire à quelque chose qui déjà préexistait avant les Écritures et qui accompagne au fond l'espèce humaine depuis qu'elle est sur Terre? C'est probablement le cas, en effet, hein. La Bible, enfin en tout cas les textes sacrés, les textes même peut-être précédant la Bible, n'ont fait que, encore une fois, que sacraliser, que dogmatiser, je ne sais pas si le verbe existe, un état de fait, une réalité déjà, encore une fois biologique, et certainement qui se transformait peu à peu en ordre moral. Mais alors justement, vous allez sans doute me poser cette question, justement de l'origine. Pourquoi une telle prééminence justement de la main droite? Et en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. On pense notamment que, alors là, on remonte bien avant la Bible, hein, sans doute au temps préhistorique, que les hommes s'étaient aperçus que les blessures qu'ils recevaient au côté gauche étaient plus mortelles, hein, plus dangereuses en tout cas, que celles reçues au côté droit, parce que simplement, voilà, quand ça touchait le cœur, ben, ça en était fini. Donc ils ont eu cette idée toute bête, mécanique pour ainsi dire, de mettre le bouclier à gauche pour protéger leur cœur, et la main droite qui manie l'arme offensive, hein. Et à force donc d'habitude, en quelque sorte, la main droite, elle aurait acquis une plus grande force, une plus grande dextérité, mais surtout elle aurait fait l'objet de soins particuliers, de rituels, hein. Elle se serait imposée comme peu à peu comme la bonne main, hein, celle qui était la mieux à même d'assurer la survie de l'individu, mais au-delà, la survie de la tribu. En fait, on a survalorisé cette main droite qui était la main offensive, et la main gauche est devenue juste la main défensive, et la main passive, celle qui donnait le bouclier, simplement. Donc il est possible que ce simple phénomène lié à une coutume guerrière ait fait que les hommes aient survalorisé leur main droite, en effet. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui entre en compte ici. Alors c'est un facteur, là encore, religieux, mais plutôt cosmologique. C'est-à-dire qu'on suppose que les premières manifestations de la religiosité humaine étaient tournées vers le soleil. Hein. Le soleil, c'est celui qui dispense la lumière, la chaleur, donc la sécurité, enfin bref, la vie. Hein. Et vous savez que dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire là où certainement où réside, en tout cas c'est peut-être le berceau de l'humanité, mais en tout cas les principales civilisations, bah le soleil il se lève à l'est, ensuite il va au sud, et puis il se couche à l'ouest. Or les proto-religieux en quelque sorte regardent le soleil, le dieu soleil, donc il se lève devant eux, il se tourne vers l'est, hein, et ils s'aperçoivent que le soleil donc va au sud, et donc va où? Et bien il va vers la droite, il ne va jamais vers la gauche. La main gauche, elle est du côté du nord, elle est du côté de l'ombre, elle est du côté des frimas. Donc vous voyez, là aussi, survalorisation de cette main droite qui bénéficie de la chaleur et de la lumière du dieu soleil. Donc l'homme en conclut assez rapidement que, voilà, c'est le bon côté. Et objectivement, ça l'est, si vous voulez. Quand il regarde ce soleil, il s'aperçoit que son côté gauche est caressé par la chaleur du soleil, et tandis que le côté droit est exposé aux frimas. Sans doute, ça a aidé à cristalliser toutes ces idées selon lesquelles la droite, c'est clairement le bon côté et la gauche, le mauvais. Voilà. Donc, ce qui était au début une petite, pas une petite, même une différence très marquée, une propension très marquée à préférer sa main droite que sa main gauche, eh bien, c'est devenu, en fait, une règle morale, éthique. Il me faut d'abord vous dire que je suis né gaucher. C'est du moins mon avis. Car dans mes premières années, je faisais tout de la main gauche. Une vieille nurse irlandaise entreprit assez tôt de corriger chez moi cette inclination à la gaucherie dans l'espoir de me rendre droitier. Elle prit l'habitude de m'appeler Catoge. C'est un vieux terme gaélique signifiant gaucher, dont la connotation très méprisante ne manque jamais de faire éprouver son infériorité à celui à qui il est adressé. Cela m'a beaucoup marqué. Quand j'eus l'âge d'apprendre à écrire, je voulus employer ma main gauche. Mais cette velléité fut réprimée par ce qui était probablement une autre bonne vieille coutume celte. On m'attacha simplement un bas sur la main gauche, m'obligeant ainsi à utiliser la droite. Je dus me résoudre à devenir droitier pour écrire. Mais pour tout le reste, je restais irrémédiablement gaucher. Je persistais par exemple à manger de la main gauche, ce que je fais encore aujourd'hui, et qui fait de moi un commensal gênant. Voilà au moins un défaut dont cette brave et amicale geôlière irlandaise n'est pas parvenue à me défaire. Je jouais au tennis de la main gauche et au baseball, j'étais ce qu'on appelle un softball. Bref, je finis par faire preuve d'une sorte de mélange de droiterie et de gaucherie, d'ambidextrie artificielle, avec une préférence marquée pour le côté gauche dans les activités exigeant de l'adresse et de l'entraînement. Pierre-Michel Bertrand, plusieurs scénarios quant à ce côté droitier pour l'humain. Pourquoi l'humain est-il droitier? Scénario 1, vous nous l'avez donné, le guerrier. Scénario 2, la course du soleil. Mais il y a un scénario 3 qui est la loi de polarité. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner là quelques explications? Oui, alors c'est une loi qui a été proposée par un sociologue français, Robert Hertz, au début du XXe siècle. C'est un texte vraiment fondateur, hein, qui parle de la prééminence, encore une fois, hein, pas de la gaucherie, de la droiterie en tant que latéralité physiologique, mais de la prééminence de la main droite. Lui pense que ce qui constitue l'armature intellectuelle des hommes, plutôt notre façon primitive de raisonner, cette armature, elle est dominée par une sorte de manichéisme primordial, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'en fait, tout ici-bas, dans le monde qui nous entoure, dans le monde physique, mais aussi dans le monde moral, on s'aperçoit que tout peut être rangé en deux catégories. Il y a une catégorie positive et une catégorie négative. Il y a le bien, le mal, il y a le sacré, le profane, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le cru, il y a le cuit, il y a la naissance, il y a la mort, il y a le beau temps, la pluie, etc. Le mâle, la femelle, tout ce que vous voulez, la joie, la peine, donc la douleur, le plaisir. Enfin bon, tout peut être rangé en deux catégories. Voilà, on a un tableau. Il y a une colonne positive, une colonne plus, une colonne moins. Donc toujours est-il que cet homme, eh bien, lui se considère un petit peu comme un microcosme. Si tout ici-bas peut être rangé en deux catégories, il n'y a aucune raison, donc une catégorie positive et une catégorie négative, il n'y a aucune raison que son propre corps, sa propre personne, ne soit pas aussi divisé en deux. Et comme il se sent, lui, asymétrique, l'homme est asymétrique, c'est dans sa nature, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il va mettre tout simplement la main droite dans la bonne colonne et la main gauche dans l'autre. C'est-à-dire que c'est la loi de polarité qui veut que, en fait, on considère tout de manière binaire et opposée. Pierre-Michel Bertrand, on se retrouvera demain pour poursuivre ces entretiens à la découverte du monde des gauchers et on passera notamment par deux catégories, vocabulaire et peinture. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.